Force Ennemie, première partie, chapitre 5. Les colères de Léonard ne sont pas éternelles. Il se contorsionne le faciès en une abominable grimace qui donne à l'un de ses yeux l'apparence d'un nombril enfantin dessiné de travers. Remonte jusqu'aux cheveux le sourcil correspondant, gonfle une joue d'une chique monumentale et creuse l'autre d'une fossette où tiendrait un petit savon. Puis il prononce. Il me paiera ça plus cher que chez le pharmacien, mais je suis pas là aujourd'hui pour faire la course au cocher. Faut d'abord obéir au docteur Bidôme. Nous reprenons notre marche et allons sortir du terrain de chasse du prophète quand nous sommes accostés par un grand escogriffe d'une cinquantaine d'années, maigre et barbu, de mine importante, qui nous déclare à brûle-pourpoint qu'il est gentil, bon garçon et tout ça, mais qu'il ne tolère pas qu'on s'offre sa tête. « Quoi c'est encore qui vous mord, l'oiseleur ?» interroge Léonard. « Vous savez où est ma femme, mon drôle, et vous la cachez pour me la lancer aux trousses au moment le plus inopportun. Je n'aurai pas le temps de me garer, et la vilaine personne me fera une de ces scènes où elle excelle, pour mon malheur. » Il s'interrompt, m'examine de la tête aux pieds, esquisse une moue satisfaite, bien qu'un peu dédaigneuse, et gratifie mon chapeau de trois ou quatre petites tapes protectrices qui me ramènent à la belle et mélancolique époque, vieille d'un quart de siècle, où mon crâne de galopin de 9 ans, un crâne tout rond, tondu, poli, propre comme une assiette à dessert, selon la médiocre expression de mon grand-papa, ennemi des mérovingiennes chevelures, incitait les vieux amis de la famille, voire le surveillant général du lycée, la bienveillante, la sombre, l'hypocrite canaille, à me combler de tambourinantes marques d'amitié de ce genre. Et M. Loiseleur reprend, s'adressant à moi cette fois, « Vous n'êtes pas d'âge, mon petit monsieur. » À savoir ce que c'est qu'une femme, j'entends une femme légitime, une épouse, comme disent les législateurs et les égoutiers. Eh bien, mon petit monsieur, c'est une cuillerée de vert-de-gris dans le plus fade, des entremets sucrés. Que dis-je, j'en fais quelque chose de bien trop tragique. À m'entendre, ce serait un efficace, un souverain et prompt remède contre l'amour et contre la vie. Ces deux épouvantables calamités qui procèdent l'une de l'autre et l'autre de l'une. N'exagérons rien, c'est plus vulgaire et surtout plus exaspérant parce que ça dure généralement longtemps, une femme légitime. Cela vaut une éternelle poignée de poils à gratter dans des draps de grosse toile parfumés à la lavande, un breuvage à l'ipecacuana qui vous démolirait un peu tous les jours sans vous achever. Une série de morsures de fortes punaises et de fourmis rouges. Une grosse de clous, faiblement empoisonnée, continuellement posée la pointe en l'air sous monsieur votre derrière. Ah, jolie invention que le mariage! Tenez, moi, j'étais dans les ponts et chaussées. J'aimais les chaussées. J'aurais voulu inventer des rouleaux en velours pour les égaliser. Et je rêvais de les bourrer de nougat en guise de cailloux. J'adorais les ponts. Au point de leur festonner leur tablier, si j'avais pu. Mais pas de plaisanterie tintamaresque, alors qu'il s'agit de choses graves. J'étais donc un employé modèle. Eh bien, mon atroce femme m'a si vilainement persécuté, m'a si bien fait prendre tout en dégoût, qu'il fallait se mettre à quatre et de fort gaillard pour m'extraire des caboulots mal fréquentés où je mangeais mon bien au domino et où j'ai fini par me saouler à l'heure et à la journée. Je suis un homme dévoyé, bien que voyé. Oh, bon celui-là! Je ne puis plus voir un tas de cailloux, même en peinture. Et si mes frères, les pochards errants, comptent sur les arches des ponts auxquels j'aurais collaboré, pour trouver un abri nocturne après les héroïques absorptions diurnes, ils auront aussi vite fait de s'adresser à Dash, perruquier des Zouaves, comme chacun sait. Dans cette belle propriété rurale, entre nous, Je n'ignore aucunement le nom de ce charmant séjour, mais j'affecte volontiers de me croire en villégiature pour ne pas froisser mon distingué ami le docteur Foin. Oh, je me fiche absolument de ce que peut éprouver ou ne pas éprouver le sieur Bidôme. Dans, disons, cette belle propriété rurale, où je suis fier d'avoir été invité à passer quelques mois ou quelques années, j'ai tenté de revenir à mes premières amours. J'ai voulu, avec les rares outils et matériaux dont je puisse disposer, un grattoir, une pelle à sel et quelques débris de bois, mon petit monsieur, tracer de mignonnes routes de quelques mètres, creuser de gentilles rivières artificielles dont l'existence n'avait pour prétexte que la somme de travaux d'art qu'elle nécessiterait alors qu'elle serait. Déclarons tout de suite qu'un hanneton de moyenne vigueur les aurait franchis sans se rien forcer dans le bas-ventre. Mais ça a été comme si j'eusse arrosé l'intérieur d'un violon. Je n'en appliquais pas une claque, mon petit monsieur. Alors quoi? Je suis là, comme un daim, capable tout au plus de manger la pâté de l'administration. Pardon, de mes aimables hôtes, de dormir sous des baldaquins aussi faiblement dorés que, peut-être, imaginaires, de traîner de plus imaginaires guêtres dans des allées que d'autres que moi, des jardiniers, dessinèrent, et, le reste du temps, de faire le Jacques, suivant l'aimable expression d'une vieille dame fort distinguée, qui fut l'amie de ma grand-mère et qui avait connu Madame de Genlis. Oh, si je la repince, ma légitime, je me repaîtrai de ses paupières et de ses narines sans le plus léger soupçon de vinaigrette. Mais c'est elle qui me repincera à la sombre gredine. Je vous quitte, je n'en puis plus. Je ne veux pas songer davantage à mon amère infortune conjugale. Et il ne parle guère que de ça, ricane Léonard. Il y en a d'autres que lui comme ça, du reste. Un grognement d'ours me fait tressauter. Ma bire a lâché ses barreaux de fenêtre et se dandine devant nous. Il me regarde bien en face, me met une main sur chaque épaule et reprend sa petite danse en poussant deux ou trois horribles roquements. Mais après cela, c'est d'une voix assez douce, au timbre triste, qu'il me dit, en pleurnichant un peu, « Lugubre spectacle, hein ? Pauvres gens, parmi lesquels on a dureté me condamner vivre. Beaucoup tourmentés, diabolique idée fixe que vous avez remarqué chez Loiseleur, ancien ami à moi. Me reconnais plus à présent. Mais très intimes, tous les deux, à Saint-Valéry. Moi, officier ministériel. Lui, emploi des ponts et chaussées. Pauvres gens, oui, pauvres gens. Souvent, on fait cochonnerie ou ramasser trop de soulographie. Mais faut toujours ils s'en prennent à quelqu'un de leur famille. Si mariés, 9 fois sur 10 gueulent contre leur femme. Ah, c'est bien. Système nerveux toujours influencé l'un par l'autre dans mariage. Colère, rage, coup de tampon, rancune. Peux pas expliquer, moi. Suis bas au chien. Pas étudier les sciences. Mais c'est magnétique. Et puis au fond, crois-moi, qu'à la force ennemie qui a fait de moi un ours, misérable ours, sans même charité, me rendre tout à fait fou. Ah, ma femme, si bonne !» Il s'en va en grognant et en larmoyant. Ses grosses joues velues tremblotent de façon hideuse et navrante. Ailleurs, et en présence d'un témoin autre que Léonard, ce naïf qui en sait long sur les misères de l'espèce, j'aurais peut-être le mauvais cœur de rire du vieil ours. Ici, je n'ai guère honte de me montrer un peu ému. Mon gardien, naturellement moins impressionnable que moi, il est bronzé par bleu, se contente de hausser les épaules. Puis il monologue. Un type le père Mabir. Et il aime sa femme, celui-là. Il est peut-être le seul dans l'établissement qui soit affligé de cette maladie. S'il saurait que c'est pas une autre que sa vieille bique, la vieille saleté, qui l'a fait foutre dedans. Car pour inoffensif, il l'était, celui-là. Suit-elle cherchait? Je le sais peut-être. Et sa vieille roulure, qui disait comme ça qu'il était comme un hion, comme un tigre bancal, et qu'elle l'aurait pas conduit ici, Quand c'est qu'on lui aurait donné des sommes à ce fiche toute nue devant un poste de police? J'avais la trouille, moi, vrai de vrai. Mais je m'en étais fait accompagner d'un autre gars. Bon, pour le saïraï, mais de ce qui s'appelle un gars. Encore autre chose que moi, c'est pas pour dire. Ah, malheur! Je le trouve à grogner bien gentiment, tout en époustant des petits joujoux en ivoire sur une écagère. Qui me demande si je viens pour la succession, ce qui était aimable, me dit de m'asseoir, me verse un verre de vin, s'excuse de trinquer à verre presque vide, parce que le matin ça lui coupait la chic, et qui prenait que l'après-midi, et qui me surplie de m'expliquer. Je lui coule la chose en douceur, qu'il est attendu aux environs, à faire de testament, par un ami qui m'envoie avec une guimbarde à deux chevaux, à preuve que j'ai avec moi le neveu de l'ami, qui était le gars à bisexe. Il ne fait ni une ni deux, il demande son chapeau et ses gants. Mais des gants, qui dit, il n'y en a pas besoin d'autre que c'est ceux-ci. Et il se colle les deux mains dans les menottes que j'avais apportées, histoire de précaution. C'est bien qu'il ajoute, de m'en envoyer une paire, ça me sauvera un dégraissage. Et le v'là qui veut embrasser sa femme, qui lui applique un baiser sur le pépin de l'œil, en lui jurant qu'il faut pas s'inquiéter, qu'elle est une bonne vieille, et un tas de raisons comme ça. Et la sale vieille poison, qui rognonnait tout bas en se secouant l'œil. « Méfiez-vous qu'il est mauvais, que c'est une panthère, un lyotard. Vous pourriez pas lui adopter une muselière ?» Et la seule chose méchante qu'il a dite le mabir, et c'était, je crois bien, en manière de farce, c'est quand, la portière fermée, il m'a commandé de fouetter le cocher. V'là 18 mois qu'il est ici. Il en est encore à faire sa première saloperie au monde. Il se gratte, il danse, il beugle des fois comme un vrai ours, mais toujours en ricassant ou en chignant. Jamais de colère, jamais de mots piants. C'est la vieille tortue, quand elle vient, qui fait des scènes, qui gueule, qui dit que le bonhomme est une ruine pour elle et qu'elle veut qu'on le soigne moins bien pour qu'il coûte moins cher. Elle observe avec raison. C'est vrai qu'on n'est pas ici pour son plaisir, ni pour faire la grande noce. Ah, s'il saurait, le pauvre vieux, mais il croirait pas si on lui raconterait.